Troisième partie, chapitre 12 de La Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. La Commune, par Louise Michel. Troisième partie, La Commune. Chapitre 12, Les Francs-maçons. Tandis que le bombardement démolissait les Ternes, les Champs-Élysées, Neuilly, Levallois, M. Thiers, avec son ordinaire bonne foi, s'assurait qu'on se contentait d'attaquer les ouvrages avancés. Mais que si Paris ouvrait ses portes et livrait les membres de la Commune, on ne bombarderait pas. L'imminence du péril souffla sur les dernières discordes. Le temps de l'intolérance d'idées était passé. Entre ceux qui allaient mourir ensemble, en hommes libres combattant pour la liberté. Cela même qui hantait le soupçon, résultat de longues luttes à travers les perfidies impériales, sentait que le moment était proche, où la Commune, ainsi qu'elle mettait un seul nom à ses manifestes, présenterait une seule poitrine à la mort qui s'approchait. Il y avait un mouvement général des ligues de département et de Paris. La Commune allait mourir. Qu'avait donc servi l'enthousiasme universel? Les grandes manifestations avaient eu lieu, mais Versailles, avec son cœur de pierre, n'avait senti que la banque en péril. Les francs-maçons, le 26 avril, avaient envoyé des deux orients de Paris une délégation des vénérables et des députés des loges, adhérés à la Révolution. Il avait été convenu que le 29, ils iraient en cortège sur les remparts entre le Point du Jour et Clichy, qu'il planterait la bannière de paix, mais que si Versailles refusait cette paix, il prendrait, les armes à la main, parti pour la Commune. En effet, le 29 avril au matin, ils allèrent à l'hôtel de ville où Félix Piat, au nom de la Commune, prononça un discours ému et leur remit une bannière. Ce fut un spectacle comme ceux des rêves que ce défilé étrange. Aujourd'hui encore, il me semble, en parlant, revoir cette file de fantômes allant avec une mise en scène d'un autre âge, dire les paroles de liberté et de paix qui se réaliseront dans l'avenir. L'impression était grande. Il fut beau de voir l'immense cortège marchant au bruit de la mitraille comme en un rythme. Il y avait les chevaliers casoches avec l'écharpe noire frangée d'argent, les officiers rose-croix, le cordon rouge au cou, et tant d'insignes symboliques que cela faisait rêver. En tête marchait une délégation de la Commune avec le vieux Bellet, Ranvier et Thierry Fouque, délégués des francs-maçons. Des bannières étranges passaient, la fusillade, le canon, les obus faisaient rage. Ils étaient là 6 000 représentant 50 000 loges. Le cortège spectral parcourut la rue Saint-Antoine, la Bastille, le boulevard de la Madeleine, et par l'Arc de Triomphe et l'avenue Dauphine, vint sur les fortifications entre l'armée de Versailles et celle de la Commune. Il y avait des bannières plantées de la porte Maillot à la porte Binot. À l'avancée de la porte était la bannière blanche de paix, avec ces mots écrits en lettres rouges « Aimez-vous les uns les autres ». Elle fut trouée de mitraille. Des signes s'étaient échangés aux avancées entre les fédérés et l'armée de Versailles, mais ce fut seulement passé 5 heures que cessa le feu. On parlementa et 3 délégués francs-maçons se rendirent à Versailles, où ils ne purent obtenir que 28 heures de trêve. À leur retour, les francs-maçons publièrent un appel, avec le récit des événements et leur protestation contre la profanation de la bannière de paix, adressée à la Fédération des francs-maçons et compagnons de Paris. Les francs-maçons, disaient-ils, sont des hommes de paix, de concorde, de fraternité, d'étude, de travail. Ils ont toujours lutté contre la tyrannie, le despotisme, l'hypocrisie, l'ignorance. Ils défendent sans cesse les faibles courbés sous le joug, contre ceux qui les dominent. Leurs adeptes couvrent le monde. Ce sont des philosophes qui ont pour précepte la morale, la justice, le droit. Les compagnons sont aussi des hommes qui pensent, réfléchissent et agissent pour le progrès et l'affranchissement de l'humanité. Les francs-maçons et les compagnons sortirent les uns et les autres de leur sanctuaire mystérieux, tenant de la main gauche la branche d'olivier, symbole de la paix, et de la main droite le glaive de la revendication. attendu que les efforts des francs-maçons ont été trois fois repoussés par ceux-là même qui ont la prétention de représenter l'ordre et que leur longue patience est épuisée, tous les francs-maçons et compagnons doivent prendre l'arme vengeresse et crier « Frères, debout, que les traîtres et les hypocrites soient châtiés ». Le feu, interrompu le 29 à 4 heures de relevée, recommença plus formidable, accompagné de bombes incendiaires, le 30 à 7h45 minutes du soir. La trêve n'avait donc duré que 27h45 minutes. Une délégation de francs-maçons placée à la porte Maillot a constaté la profanation de la bannière. C'est de Versailles que sont partis les premiers coups, et un franc-maçon en a été la première victime. Les francs-maçons et compagnons de Paris, fédérés à la date du 2 mai, s'adressent à tous ceux qui les connaissent. Frères en maçonnerie et frères compagnons, nous n'avons plus à prendre d'autres résolutions que celle de combattre et de couvrir de notre égide sacrée le côté du droit. Sauvons Paris, sauvons la France, sauvons l'humanité. Vous aurez bien mérité de la patrie universelle. Vous aurez assuré le bonheur des peuples pour l'avenir. Vive la République. Vive les communes de France fédérées avec celles de Paris. Paris, 5 mai 1871. Pour les francs-maçons et les délégués compagnons de Paris. Thirofoc, ancien vénérable de la loge J.E., oratoire de la LELE. Masse, trésorier de la Fédération, président de la Réunion des originaires de Lyon. Baldu, ancien vénérable de la loge La Ligne Droite. Deschamps, loge de la Persévérance. J. Remy, de l'Ordre de Paris, Ordre de la Californie. J. B. Parche, de l'Ordre de Paris. De Beaumont, de la Tolérance. Grande-Lande, orateur de Bagneux. Lacombe, de l'Ordre de Paris. Vincent, de l'Ordre de Paris. Grasset, orateur de la paix, Union de Nantes. A. Gambier, de la loge J.J. Rousseau, Montmorency. Martin, ex-secrétaire de la loge L'Harmonie de Paris. E. Louet, du chapitre des Vrais Amis de Paris. A. Le Maître, des Philadelphes, Ordre de Londres. Condunaire, de la loge des Acacias. Louis Lebeau, de la loge La Prévoyance. Conti, de la loge La Prévoyance. M. Vaillant, de la loge de Seul. Jean-Baptiste Hélan, des Amis Triomphants. Léon Clan, de l'Union Parfaite de la Persévérance. Budaille, des Amis de la Paix. Pierre Lachambeaudy, de la Rose du Parfait Silence. Durand, garant d'amitié de la loge Le B de Marseille. Magdelana, de la Clémente Amitié Cosmopolite. Mossurangui, du Grand Ordre du Brésil. Faucherie, des Hospitaliers de Saint-Ouen. Radigue, de l'Étoile Polaire. Rudoyer, des Amis de la Paix d'Angoulême. Rousselet, des Travailleurs de Lavallois. Les délégués compagnons. Vincent, dit Poitevin, l'ami de l'intelligence. Cartier, dit Draguignan, le bien-aimé. Chabannes, dit Nivernais, noble cœur. Thévenin, dit Nivernais, l'ami du Tour de France. Dumny, dit Gatinet, le protecteur du devoir. Gaillard, dit Angevin, l'ami des arts. Thomas, dit Poitevin sans gêne. Ruffin, dit Comtois le fidèle courageux. Auriol, dit Carcassonne, C.M.D.D. Franqueur de Marseille, la liberté de Nantais. Lassa, la vertu. La Genet, compagnon chapelier. Lyonnais, le flambeau du devoir. N'est-il pas vrai que, comme les symboliques bannières, ces noms étranges de loge ou d'homme, la rose du parfait silence, l'étoile polaire, le garant d'amitié donnent bien à cet épisode le double caractère de passé et d'avenir, de tombe et de berceau, où se mélangent les choses mortes et les choses à naître. Ces fantômes étaient bien à leur place, entre la réaction en furie et la révolution cherchant à se lever. Plusieurs combattirent comme ils l'avaient promis et moururent bravement. Souvent, dans les longues nuits de prison, j'ai revu la longue file des francs-maçons sur les remparts et j'ai peine à m'imaginer ces croyants à l'avenir, écrivant, d'après les histoires à dormir debout de Diana Vaughan, pour avoir une entrevue avec Lucifer. Ne quittons pas ce chapitre, surtout anecdotique, sans parler de l'affaire de l'église Saint-Laurent et de celle du couvent de Picpus. À Saint-Laurent, je ne sais quelle circonstance fit découvrir des squelettes dans une crypte située derrière le chœur. Cette trouvaille fut rapprochée de bruits sinistres rapportés par d'anciens habitants du quartier. Un témoin oculaire donna cette description. Le caveau est un hémicycle voûté, ayant eu jour par deux étroits soupiraux, fermés à une époque relativement récente. Trois entrées, en forme d'arceau, donnent sur la crypte. Les squelettes y sont sans bière, dans de la terre sur laquelle a été déposée une couche de chaux. Quatre sont couchés pied à pied, neuf autres sur deux rangs, les pieds du premier sur la tête du second. Les mâchoires sont distendues comme s'ils avaient crié dans l'angoisse suprême. Les têtes, presque toutes penchées de droite à gauche, ont presque toutes conservé leurs dents. On inclinait à croire ces inhumations antérieures de beaucoup à notre époque, au temps où l'on enterrait encore dans les églises, quand un entomologiste découvrit là un insecte qui se nourrit de ligaments. Il ne pouvait être resté si longtemps à jeun. Quelques noms sont écrits. Bardouin, 1712. Jean-Serge, 1714. Valant, sans date. Dans un enfoncement, un squelette de femme avec des cheveux blonds. Un petit escalier de pierre est de récente construction. Journal officiel de la commune. Les squelettes ont été photographiés par Étienne Carjat à la lumière électrique. L'enquête, commencée avec un grand désir de connaître la vérité, n'était pas achevée quand Versailles fit oublier les squelettes anciens par des cadavres nouvellement couchés sous la chaux vive. L'affaire du couvent de Picpus est du même ordre de choses. Je la trouve également dans le Moniteur officiel de la République, sous la Commune, cette appréciation par un témoin oculaire. Bien que j'aie toujours cru le catholicisme congréganiste capable de tout, depuis qu'il enlevait à Jeanne d'Arc prisonnière ses vêtements de femme afin de l'obliger à revêtir des habits d'homme et de pouvoir le lui reprocher plus tard, j'avais quelque peine à admettre les révélations qui m'étaient apportées sur le couvent de Picpus. Le plus simple était de m'y rendre. Je m'y rendis donc. J'y fus reçu par le capitaine du bataillon, qui me prouva n'avoir, en quoi que ce fût, molesté les sœurs, n'exigeant rien d'elles et ne les considérant pas du tout comme prisonnières. Je n'aurais guère songé qu'à étendre la liberté qui leur était laissée, et si l'une d'elles eût manifesté la moindre plainte, je me serais certainement employé pour qu'on y fît droit. Mais, pour les nonnes cloîtrées, mon nom était un épouvantail. L'annonce de mon arrivée parmi elles y sema la terreur. Elles déléguèrent, pour me faire les honneurs de l'établissement, une tourière quelconque, bâtie sur pilotis et d'une carrure à faire reculer les plus braves. Je dois reconnaître que son audace répondait à son développement physique. L'espèce d'appareil dont j'étais entouré quand elle se présenta à moi ne l'intimida pas le moins du monde. Elle débuta même par ces mots, jetés d'un ton hautain qui me plut par l'énergie morale qu'il m'indiquait. « Vous avez des questions à me poser, monsieur ?»« Mademoiselle, lui dis-je poliment, bien que la plus cruelle injure à faire à une sœur soit de l'appeler mademoiselle, des bruits assez lugubres courent sur le régime de votre couvent. Je tiendrai à m'assurer par moi-même qu'ils sont complètement faux. Est-ce que vous pourriez bien, par exemple, me montrer les espèces de cellules où, m'assure-t-on, sont confinées deux sœurs que vous soumettez ainsi à une véritable séquestration arbitraire ? Elle ne répondit pas et se dirigea silencieusement vers un coin du jardin où je la suivis. L'une des deux recluses se promenait dans une allée flanquée d'une nonne qui l'exhortait, l'autre tricotait assise sur son lit, lequel tenait toute la cage qui était à claire-voie, et à travers les barreaux de laquelle la bise et la pluie devaient passer avec la plus grande facilité. Comment, demandai-je à cette tourière, pendant que des têtes affairées se dessinaient aux fenêtres du bâtiment principal, comment pouvez-vous admettre que des pensionnaires de votre cloître puissent être ainsi enfermés dans une cabane à peine assez salubre pour élever des lapins ? Pardon, fit l'interpellé, elles ne sont pas séquestrées puisqu'ils ont la faculté de se promener. C'est nous qui vous avons forcé à les faire sortir de leur boîte. La sœur nous décrocha alors cette réponse qui me stupéfia. C'est leur faute. Pourquoi refuse-t-elle de se conformer à la règle du couvent? Ce fut, j'en donne ici ma parole d'honneur, toute sa justification. On m'a assuré quelques jours plus tard que les deux persécutés avaient été délivrés par les fédérés et rendus à leur famille. Je dois constater que l'une des deux m'avait paru non pas précisément folle, mais un peu idiote, ou tout au moins idiotisée. Les ferrailles qu'on m'étala sous les yeux étaient incontestablement étranges, et il était mensonger au premier chef d'essayer de les faire passer pour des pièces d'orthopédie. S'en servait-on encore? S'en était-on servi quelquefois? Était-elle employée à l'heure où on me les montra ou remisée au magasin des accessoires? Je n'eus et n'ai pas à me prononcer à ce sujet. Mais comme instrument orthopédique, ce bric-à-brac était inacceptable. H. Rochefort. Qui sait s'il ne faudrait pas chercher à Montjuïc où les épaves des tortures ont été exhumées et remises en usage aujourd'hui, si ce n'est pas à des usages semblables que servirent les objets étranges du couvent de Picpus. Le fanatisme religieux ne conduit-il pas en ce moment même une secte d'illuminés de Russie à se faire murer vivants dans leur tombe? Qui sait si les bizarres instruments ne servaient pas pour torturer les religieuses d'une foi chancelante, dans le but de leur faire gagner le paradis? Qui sait si celles que le délire mystique prenait ne s'en servaient pas pour se torturer elles-mêmes? Ceux qui ont chanté dans les églises sombres, aux lueurs pâles des cierges, où l'orgue roule des flots d'ondes sonores qui vous emportent dans d'âpres nuages d'encens, ceux-là savent qu'à ces heures, il semble que la voix bat des ailes en montant, qu'elle n'est plus dans votre poitrine et que vous-même vous l'écoutez. Qui sait où conduisent des sensations de ce genre à chaque jour répétées, sans que la raison vous ait dit « Tout ce qui peut prendre un être, harmonie, mise en scène, parfum, est une impression du temps futur de l'humanité où les sens seront plus puissants, où il y en aura d'autres. » Mais cette impression, en l'entourant de superstition, devient grossière. Elle entraîne en arrière au lieu de porter en avant. Comme il y a l'ivresse du sang, il y a l'ivresse mystique de l'ombre, et dans toutes les ivresses se font de monstrueuses choses. Le jour où Montjuïc démoli sera fouillé jusqu'en ses entrailles, combien de têtes de mort auront comme celle de l'église Saint-Laurent leur orbite vide tournée du côté d'où elles espéraient revoir le jour. Elle sera venue alors la vraie lumière, la science triomphante, l'éternel Orient. Combien de victimes jusque-là encore? En lisant l'incroyable affaire du tueur de berger, on se rend compte de la rage de tuerie, qui tient parfois un être, parfois une collection d'êtres, ainsi enragé de sang, fut l'armée de Versailles. Ce sont des épidémies morales pires que la peste, mais qui disparaîtront avec l'assainissement des esprits dans la consciente liberté. Fin de Les Francs-maçons.